C'est Tortoli et Arbatax. C'est Radio Panique. C'est 105.4. C'est formidable. Hey, bonjour tout le monde, salut, c'est Tortoli et Arbatax. Arbatax, comment vas-tu? On t'entend pas. Niet, ça ne marche pas. C'est pas grave, c'est Tortoli, Arbatax, vous écoutez Radio Panique, comme tous les mercredis de 18h à 19h. La petite musique que vous entendez derrière, ça va vous donner un indice sur nos invités, parce qu'on a des invités, et oui, qui décapsulent des bières présentement. Que je vois devant moi. Arbatax va se trouver un micro et nous, juste en l'attendant, on va se passer une petite vidéo. Tendez bien l'oreille. Boîte à outils surchargée, c'est toujours le même problème. Des outils approximatifs qui endommagent vos surfaces et détériorent votre visserie. Sans un outil adéquat, ce n'est pas gagné. Oubliez ces méthodes barbares, découvrez la HH+ Multifix Cut, l'outil idéal pour toutes vos fêtes du bois. Avec son manche en bois équipé du système Super Grip et sa tête profilée design en alliage ProTitan Plus, débiter du bois devient un jeu d'enfant. Regardez avec quelle aisance la lame pénètre le bois. L'arrière de la tête H+ Multifix Cut évasée et super costaude vous permet également d'enfoncer des piquets dans terre-meuble, demi-meuble, béton, acier, linoléum. Grâce à sa tête cunéiforme, que la vis à extraire soit une vis à tête plate ou ronde, une vis cruciforme ou en étoile, la H+ Multifix Cut travaille vite, bien et sans effort. Une légère pression accompagnée d'une simple rotation, idéale pour les métaux, les fers et aciers courants. Avec sa lame 2 microns X8 3D 2D 4D, la H+ Multifix Cut tranche, peint, peint de seigle, peint azyme, mais aussi le bois. Regardez la surface ainsi obtenue, elle est parfaite. Elle coupe également les tombes de brebis de pays. Soit sauvage et babybel en un clin d'œil. Et c'est pas tout, en cas de fausse manœuvre, son système ProReverse S9 agit instantanément et ressoude babybel. Yes, de retour. J'espère que vous avez bien prêté attention à cette petite vidéo. Arbatax, est-ce que t'es de retour? Allô? Non, on ne t'entend pas. Tortoli. Ah oui, voilà, là on t'entend. Ça va? Voilà, vous écoutez donc Tortoli et Arbatax, la petite vidéo qu'on a juste passé un extrait. C'est le travail d'un, voire de plusieurs jeunes hommes. Arbatax, tu veux nous en dire un peu? Quelques mots? Bah, j'étais occupé à aller chercher un petit casque pour mieux vous entendre, les amigos. Donc, mais effectivement, la vidéo, je l'ai vue hier soir. Pas mal du tout, pas mal du tout. Voilà, la vidéo s'appelle... J'ai pas entendu le début de l'émission, est-ce que nos invités ont été présentés? Non. On va leur adresser la parole, on les entend souffler très fort. Ah. Allez-y, soufflez, soufflez. Très bien, ils soufflent. Donc parfait. À gauche, nous avons monsieur... Monsieur Scotty. Très bien, juste au... Vas-y. Je sais pas si vous me connaissez, je crois que je suis inconnu. Non, je ne vous remets pas. Excusez-moi. Au milieu. Eh bien, c'est Timo, je passais par là, et me voilà. Un autre inconnu. Un autre inconnu, d'accord, très bien. Et notre troisième, puisqu'on en a trois. Eh ben, c'est Loac. Pareil, on est tous des inconnus. Tous des inconnus. Et toi plus que les autres. Toi un peu plus. Oui, c'est vrai. On dévoilera ta vraie identité plus tard. Tu peux nous en dire peut-être un peu plus, Timo, sur cette vidéo, la H+ Multifix Cut, que j'ai bien prononcé. Voilà, c'est ça, c'est la H+ Multifix Cut, donc c'est un produit tout nouveau, révolutionnaire, qui est en train de faire le buzz sur Internet, mais ça vient de chez Monsieur Bricolage, en réalité. Donc c'est une vidéo de bout de rayon, comme on appelle ça, tête de gondole. Donc c'est un produit révolutionnaire qui décapsule, plante, cloue, visse, fait à peu près tout, et c'est un bon produit pour l'hiver qui arrive. Est-ce qu'elle est... Où est-ce qu'on peut la trouver? Est-ce qu'il y a des magasins, des bons de commande? Bon, c'est du Made in China, hein, mais on peut trouver ça, c'est sur commande, et dans tous vos bons marchands de bricolage. D'outillage, bien sûr. Très bien. Arbatax, ça a peut-être une petite question pour Timo. Donc Timo, tu nous rappelles, t'es l'acteur principal de cette vidéo ou réalisateur ou... Oui, c'est ça, à peu près tout. On a fait ça en très peu de temps, c'est du tourné-monté. Et donc une prise, pas de ménage. C'est du tourné-monté cette fois. Tourné-monté, voilà. Très bien. Et du coup, on peut inviter tout le monde à faire une vidéo de bricolage très rapidement pour le prochain festival de vidéos de tête de gondole, vidéo de Monsieur Bricolage, donc qui se tiendra probablement l'année prochaine. Ouais, dans une zone industrielle quelconque. Voilà. Entre Cahors et Bruxelles, quoi. Ouais, grosso modo, ouais. Ouais. Ce qui est assez précis déjà. Enfin, oui, oui, on voit tout de suite. On situe vachement mieux là. Ouais. Mais alors, les gars, on serait sur un scoop là, on serait sur le lancement d'une compétition internationale. Là, on est en direct pour Tortulia Batax. Tortoli, je prononce jamais le R. C'est normal, c'est des origines chinoises. Donc, pour récapituler, un concours de vidéos de bricolage. De fausses vidéos de bricolage. Il faut le rappeler quand même. Alors, je rappelle aux auditeurs que la vidéo de la H+ Multi Fix Cut est disponible. Ils peuvent aller la voir de suite sur le Facebook de Tortoli Arbatax. Elle est sur le wall, sur le mur. Et pour mieux comprendre de quoi il s'agit. Un bon délire. Et voilà le pourquoi du comment. Pourquoi on vous a invité, c'est que cette vidéo est en train de faire le buzz. Comme on dit dans le jargon. On ne contrôle plus rien. Voilà, vous n'êtes plus maître de on la vidéo. On n'est plus maître, voilà, ça se diffuse dans tout le monde. C'est malade, quoi. Dans le monde entier, même ceux qui ne comprennent pas forcément le français. T'as été contacté par des gens qui auraient regardé la vidéo de... Chausson Matériaux, t'as appelé, non? Oui, ouais. Chausson, ouais. Chausson Matériaux, ouais. C'est un industriel quelconque. Voilà. Oui, quelconque, c'est quand même un des majeurs. Du secteur. Des majeurs de quelle main? Je ne relèverai pas. Tu ne relèveras pas le majeur. Très bien. Donc allez voir la vidéo hein, qui a fait le buzz dans l'Aubrac et dans l'Aveyron au début, puis qui se diffuse, comme disait Timo. Allez voir ça sur Vimeo, sur YouTube, Dailymotion, en tout cas même sur le Facebook de l'émission. Voilà. Et puis n'hésitez pas donc à nous envoyer à tortoliarbatax@gmail.com ou via notre Facebook vos propres vidéos de Multifix Cut et qui seront donc sélectionnées d'office pour la prochaine compétition internationale de vidéos, fausses vidéos de bricolage. En vue de se voir décerner le clou d'or pour la meilleure fausse vidéo de bricolage, il faut quand même le mentionner. Voilà. La grande récompense. La grande récompense, ouais. Voilà. Après avoir bien évidemment effectué la fameuse montée. Montée des bûches. Des bûches, ouais. Voilà. Montée des bûches. Sans embûches. Voilà, sans embûches. Voilà, donc c'est un festival qui vaut le clou. Ouais. Elle est belle. Excusez-moi. Bravo. Elle est bonne. J'avais préparé mon émission. J'avais bien préparé. Bon, très bien. Bon, les gars, on serait plus ou moins sur une carte blanche. Hein, donc vous nous avez soufflé à l'oreille quelques morceaux. On va tout de suite écouter un morceau que Timo, peut-être tu peux nous présenter. Est-ce que ce serait un morceau japonais par hasard? C'est celui-là même. Voilà, donc encore un autre japonais qui fait le buzz. Il en est déjà à 42 amis sur MySpace. Donc je vous invite à aller, pas le chercher dans Google parce que vous le trouverez pas, mais à aller sur le lien Tortoli Arbatax. C'est un génie tout simplement. Voilà, on écoute. Voilà, ça s'appelle Cage, K-A-G-E, c'est sur MySpace. C'est japonais, c'est tout de suite dans Tortoli Arbatax. Si le internet veut bien de nous, quoi. Ça va partir. Mais c'est loin le Japon, hein, faut dire. Ah ouais. Et puis voilà, on est sur du bas débit. Bas débit. Mais simplement, l'adresse c'est myspace.com/cage-inari. Est-ce que tu le savais? Non. Comment t'as découvert le morceau, Timo? Oh, ben. Ça, c'est du professionnel, on meuble. On meuble voilà, c'est ça. Donc, en parlant de meubles. Toujours en meuble, voilà. Festival de construction. Voilà, je vous propose dès à présent de prendre votre petit appareil photo et de faire votre vidéo. J'y reviens. Vas-y, vidéo de bricolage. Parce que cage, on s'en fout un peu, faut écouter pour comprendre. Donc, je peux pas vous en parler plus parce qu'en fait, je parle pas le japonais, je lis pas. Non plus. Ouais. Donc, effectivement. Je suis tombé dessus par hasard, un peu en surfant sur le web internet. Tu cherchais à monter une cage et t'as tapé cage comme ça. Voilà. Avec un K. Eh ben, on va essayer de se passer ce morceau. Si le deuxième essai. Deuxième essai. Tortoli, clic, clic, clic. C'est les dieux de l'informatique. Les... clic sur le mulot. A priori, ça se lance pas. On va se mettre un autre titre. Ça s'appelle All Hurt. On passe. De l'ouest à l'ouest, de l'ouest à l'est, de l'est à l'est. On passe sur Green Hornet, qui était dans la BO de Kill Bill. On se rejoint juste après ça. Green Hornet, All Hurt. Batax tous les mardis de 18h à 19h sur Radio Panique. Tortoli et Arbatax tous les mardis de 18h à 19h sur Radio Panique. We'll be right back. Batax, les deux grosses nippes de radio. Quel retour fantastique. Quel retour. Ok, chers auditeurs, vous êtes sur Tortolière Batax, comme l'a dit le jingle, et ce n'est pas mardi, mais on est mercredi. Voilà, ce que nos invités nous ont très bien fait comprendre. Merci, messieurs. Donc, on est avec toujours avec Scotty, Louak et Timo, et on vous a parlé de ce titre de Cage. On vous en a bien parlé, vous ne l'avez pas entendu. Et ben, on a réussi à remettre les fils de l'internet. À joindre le Japon. À joindre le Japon. Allô, allô, allô. Allô, le Japon. Donc, on va. Sayonara. A priori, ça va partir d'ici une demi-seconde. Cage. À la place, on avait eu juste avant Fool's Gold, Surprise Hotel. Ça, c'est Cage. Ça marche. Waouh, ça bouge. Allez. Salut tout le monde, c'est le retour, il est 18h35 bientôt, peut-être 34 à notre pendule, super à Radio Panique. Ça va être l'heure. Quelqu'un connaît le générique un petit peu de l'agenda culturel ici? Tortoli, tu t'en rappelles? Scotty, tu connais? Peut-être. C'est l'heure de l'agenda Q, l'agenda culturel, l'agenda culturel. J'en vois un au fond qui n'a pas suivi. C'est notre meuble. Il s'en fout, c'est le meuble. Il a bien raison. Loïc en plein rêve. En plein rêve. Bon alors, premier agenda culturel, ça va être Tortolière Batax. Et puis nos invités auront dans la deuxième partie quelques événements à nous présenter. Et pour oui, le monsieur. Moment, on va s'occuper... Quelques ? Oui, bien sûr. Je vois cette moue derrière là. J'aurais dit plutôt un gros truc, mais un. Tu t'as dit que t'allais trouver un truc pendant que nous on faisait. Ouais, bah j'ai. Ouais, d'accord. Mais ça vous empêche pas de réagir sur notre agenda culturel, messieurs dames. On n'y manquera pas. Ah, j'espère. Loïc qui a l'air. Affûté comme jamais. Exactement. Comme un bout de bois. Très bien. Voilà, tu donc. Veux commencer, Herbatax, je voilà, qu'est-ce qui se passe sur Bruxelles entre ce mercredi 22 et mardi prochain, donc qui sera le mardi 28, qu'est-ce qui se passe dans l'ordre et dans le désordre? On va bien voir comment ça vient. Arbre Attack, c'est toujours un petit peu le bazar, donc ça, ça ne change pas. Dès demain, jeudi, il y aura la Battle Graphique, la quatrième édition de la Battle Graphique à la Maison du Peuple à Saint-Gilles, Saint-Gilles pour les intimes. Une réaction peut-être ? Super ! Wouh ! Voilà, donc la Battle Graphique. N'hésitez pas à reformuler ça. C'est quoi exactement déjà ? Tu voilà, te rappelles ? Voilà, bah, je m'en rappelle. Ça serait pas genre des gens qui ont des palettes graphiques voilà. avec un écran géant voilà. et qui font des dessins l'un voilà. contre l'autre. Ah devant, oui, j'étais là, c'est superbe. Devant c'est tout le bar qui est là, un petit peu halluciné voilà. devant ces dessins qui devant sont en direct. Devant ces geeks. Devant oui. ces geeks qui se battent sur des palettes graphiques avec leur ordinateur dont on ne citera pas de marque mais dont la pomme nous indique. Enfin voilà, bref. La Battle Graphique, on avait annoncé ça il y a la première édition, je me rappelle, dans l'émission. Là, ils en sont à leur quatrième édition, Maison du Peuple, Saint-Gilles, jeudi 23. Ensuite, évidemment, Expression Urbaine à XL ce samedi 25. Expression Urbaine, festival de hip-hop, dirons-nous, gratos, place Fernand Coq, en plein Saint-Gilles, chaussée d'XL. Nous aurons la présence d'artistes belges et bruxellois dont Gandhi, Convoque, Cléo and Band, Jubai, Julion, Quattro X ou 4X, Za et Stan. Une et réaction puis... de Loïc, attendez, je vois qu'il lève le doigt. Loïc, c'est super. Voilà. Loïc, tu seras samedi à Expression Urbaine ou pas ? Sans faute. C'est pas toi qui l'organise d'ailleurs Ouais, ouais, mais avec d'autres potes, mais je suis en backstage. D'accord. Ah, ok. Cherchez le discret là-dessus, tu as raison. Petit barbu, le sourire rieur, il sera là. Donc voilà, et puis en dehors de ces artistes belges ou bruxellois, surtout bruxellois, il y aura Féfé en guest. Féfé, l'ex du Saiyan Supakru, Dans ma rue, Vilain Petit Canard, etc. Son album Jeune à la retraite, le Féfé qu'on avait eu à Couleur Café au mois de juin. Voilà, tout ça, c'est place Fernand Coq, samedi, de 13h à 22h. Allez vous éclater là-bas tout l'après-midi. Et c'est gratos. Ah oh ouais. Voilà le bon plan. Un petit... Moi, un je, petit peux, voilà. je peux te donner une petite... Vas-y. Un petit tiret dans ton agenda culturel aussi. Ouais, vas-y. C'est ce vendredi 24 septembre, Umbrella Delica Label Night. C'est la soirée du label qui s'appelle donc Umbrella Delica. Et ça un se passe. Un parapluie délicat. C'est un parapluie délicat. D'accord. Voilà, très bien. Et c'est le. Sympa. Ça se déroule au Recyclard, la salle qui est à Gare de la Chapelle. Voilà, on vous en parle à chaque fois. Vous connaissez. Voilà, c'est une base. C'est une sorte de base. Voilà. D'accord, Fulgence au Recyclard. Voilà, donc cette soirée. Dans cette soirée, il y a Lojo, Vente de Cash, Souk & Fall, que j'adore, que je connais très bien en plus. C'est vrai ? Pas du tout. D'accord. Et il y a également Fulgence qui est par contre lui un DJ français et qui notamment collabore avec Souléance et avec Souliste pardon et ça forme le collectif Souléance. On vous a passé déjà des titres. Souviens-toi Arbre Attacks. Bah bien sûr. Bien sûr Souléance. Bon petit morceau qu'on s'était passé. Chemise qui s'appelait le morceau. Vous retrouverez de toute façon la playlist sur la page de Radio Panique Tortoli Arbre Attacks mais également sur le Facebook. Et vous retrouverez également le lien du site de la musique qu'on a entendu juste avant qu'on parle, Cage, que Cage. Timo nous a présenté. Direct from Japan. Et magnifiquement bien présenté. Voilà. Oui. Et une dernière info, encore ce samedi 25, on a à la Maison du Peuple aussi, à Saint-Gilles, parvis de Saint-Gilles, la présence de Canadiens, je dirais moi groupe de hip-hop, mais peut-être pas essentiellement, Tortelune Info. Prout, merci. Donc voilà, donc le collectif s'appelle, enfin le groupe s'appelle Mister Valère, ils viennent du Canada. On va d'ailleurs s'en écouter un morceau. Par contre, je crois qu'ils ont un petit jeu de mots peut-être à faire avec Mister Valère. Valère. Valère de rien. Valère de rien, ça peut être un exemple. Voilà, je vous lance sur la piste hein, si vous n'avez pas envie de. Valéreux. Voilà, j'en ai envie d'y aller. Pour savoir de quoi il s'agit, on va tout de suite écouter un morceau, les gars, si vous voulez bien. Le morceau s'appelle Ave Mucho, c'est featuring Branvan 3000. Voilà, ils nous viennent du Canada, ils seront donc à la Maison du Peuple samedi. On va essayer de préparer des jeux de mots en attendant. Hein. Est-ce que ça vous fait kiffer ? Mister Valère, les gars, réfléchissez là-dessus. Mister Valère. Ave Mucho. You see, suppose we was to raise the bar. Take the parts and make them raw. Take the parts and make them whole. Flip it back to burn the soul. Making love on the telephone with the whole game watching. Turn around, say what these crazy fools do when I turn my last back. They was looking over, but this crew's still down. See, I was thinking we could work it out. We can bump this shit all over town. We gon' rock that hit, girl. Flip that script, girl. Get that paper, people bound. You know, we the ones that keep on reaching. Triple checking, downtown beacons up. Hold it now, that no school jeans in. We put the love in fantasy. When the beat drop, am I beat fly, that's when we go. When the beat drops and the beat fly, that's when we go. When the beat drops and my beat fly, that's when we go. When the beat drops and the beat fly, that's when we go. Oh, you know, oh, you know, oh, you know. We got this exhibition ride. Reason for the party to have a drink outside. To take a off the riff and get on that ride. We got these pretty young things that come loose in the slide. For the time that flies, hips that glide. Ice that's thin in the ass, that's why. Late night, a body tired of born off vibration. I'm feeling right in the morning, out of sight without the base. Music got you moving in your club position. Wind in my face, set on my back. I like a record button on a fresh late track. I'm cool under pressure, check the playback. Doesn't matter where I'm from, man. It's where I'm at. See my cat in his hat with a dug out of bash. We got the sun shining down, singing tit for tat. And that's that. And that's what? And that's that. Yeah. When the beat drops and my beat fly, that's when we go. When the beat drops and the beat fly, that's when we go. When the beat drops and my beat fly, that's when we go. When the beat drops and the beat fly, that's when we go. C'est Radio Panique. C'est 105.4. C'est formidable. Vous êtes de retour sur le 105.4. Il est 18h bientôt 43 et 3 millièmes de seconde. Vous êtes sur Tortoli à Batax. Cette semaine, cette émission, on est en présence de Scotty qui nous avait fait le plaisir de venir déjà le 25 mai quand on avait fait une émission spéciale Fume ta moustache, le collectif, le fanzine, le fameux... J'étais pas tout seul, hein. Ça avait pu s'entendre. Tu n'étais pas tout seul, tu étais d'ailleurs, je me rappelle, avec ton ami Natos, et j'aimerais à ce propos passer une dédicace à sa maman. Oui. La maman de Natos qui nous écoute. Qui a adoré l'émission, semble-t-il. Voilà. Gros bisous. Gros bisous, maman de Natos. Et donc voilà, donc Scotty un petit peu connu dans l'émission, et puis nous le rappelons, deux invités, Loac et Timo. On peut juste... Bouyaka. On peut juste faire une petite parenthèse sur quid de Fume ta moustache. Qu'en est-il? Quoi de neuf en ce moment? Qu'est-ce qui se passe? On a fait quelques salons par-ci par-là, à Paris le week-end dernier. Il faut rappeler que vous êtes un collectif de fanzine, notamment. Un fanzine nantais à la base, ouais. Avec pas mal d'expats. Et du coup, dans le reste de l'actu, on va être présent d'une manière clandestine, pas dans le programme officiel, à un salon qui va avoir lieu ce week-end, le salon Fais-le toi-même à Lille. Oh, ben justement. Ah, justement, hey. Justement, quelle transition. Quelle transition, de quoi s'agit-il? La reine des transitions, Scotty. Justement, Timo, t'auras quelque chose à dire sur ce salon? Oui, en c'est fait, votre c'est agenda Scotty actuel, surtout qui va en parler un petit peu. Il a préparé un petit papier, je vois. Vert. Un petit papier vert. On voit bien, d'ailleurs. Voilà. Alors donc il s'agirait... Il s'agit donc d'un salon de l'auto-édition et tout ce qui tourne autour de faire des choses soi-même, le DIY zine. Donc c'est la... Monsieur est bilingue. Attention. Ça se passe donc à Lille, dans deux endroits, à l'Hybride, où il va y avoir tous les stands de sérigraphes, labels de musique, petite édition. Uh-huh. Et il y aura aussi des projections de films et concerts. Et ça se passe... Donc attends, tu as dit l'Hybride et deuxième endroit. Et le deuxième endroit, c'est le KJB, qui est une petite librairie où on peut trouver le même genre d'auto-édition, etc. Et il y a aussi un atelier de sérigraphie. Là-bas, ok. Et donc ça se passe le week-end prochain, le 25 et 26, de midi à 19h, dans le quartier Oisem. Oisem. À Lille. Alors on peut retrouver les infos sur le site fais-le-toi-même.com. Ok. Il y a toutes les infos. C'est organisé par un auteur qui a une petite auto-édition lui-même qui s'appelle Les Arts Actifs. L'auteur s'appelle Albert Fullmoon et c'est lui qui gère un site qui s'appelle DIYzine.com qui recense tous les fanzines qui veulent bien être recensés. Albert Fullmoon, exactement. Dit avec des croissants dans la bouche. Voilà. Merci à nos invités pour avoir apporté les croissants, vu qu'il est quand même 18h moins 15 minutes. Ouais. C'était vraiment sympa de votre parler. On se lève. On voit que les petits breuvages que vous avez de votre côté là-bas, dans le studio. Voilà. Comme tous les matins à 18h. Et donc Timo, toi aussi tu vas participer indirectement à ce festival. Voilà, je n'y serai pas. Tu peux dire que tu fais aussi partie de Fume ta moustache. Je fais voilà, aussi partie de ce collectif. Donc comme Loac. Comme Loac. Voilà, donc... Qu'on ne connaît toujours pas. Qui ne parle pas. Je pensera à brancher son micro, Tortoli. Oui, brancher son micro. Il mange sa barbe, il ne peut pas parler. Et donc voilà, indirectement, bah moi j'y serai pas présent, mais je crois que c'est le samedi 25, c'est ça, ouais, si je me trompe tout pas. À fait. Il y aura une soirée de projection de films, donc artisanaux en quelque oui, sorte. Non, oui, fait voilà. Maison. Artisanaux, fait maison, dire, fait ouais, maison, voilà, ça, exactement. Ça nous ramène encore au festival de la construction. Voilà, bah oui, c'est toujours c'est une obsession. Du bâtiment, de la construction, de l'outillage. Des clous, des vis. Ouais. Des clous, des vis. Et du coup, il y aura un clip que j'ai réalisé il y a quelques mois pour une fanfare, Le Mystère des éléphants. Ok. Et donc, il sera projeté dans cette soirée, le 25. Et okay. Cette fanfare, elle vient d'où? Elle vient du Lot. Le Lot. Le Lot et Garonne. Non. Le Lot, c'est vachement mieux. Le Lot et Garonne, c'est des héros. Pardon. C'est un département. Rien à voir. Dans le sud de la France. Voilà. Sud-ouest. C'est ça. C'est ça, c'est le 4-6, ouais. Ok. Wow, big up. Excuse-moi, big on se présente plus tard. Bouyaka. Tous les massifs du 4-6. Ok, les gars, bon. Je veux juste rajouter un petit truc. Oui. C'est pas possible, on a plus de temps. seront présents à DIYzine des super collectifs qui nous ont bien aidés avec Fume ta moustache, avec qui on a des liens. Petite dédicace, vas-y. Voilà, comme Marine Le Soute, Modèle Puissance, Samy Stein. Et voilà, c'est des gens qui ont sorti une revue qui marche pas mal, qui s'appelle la Revue Collection. Voilà, c'est fini. J'en ai fini. Tu appelleras Difool la prochaine fois voilà. Pour faire des dédicaces. Ouais, pas de soucis. Avec le doc. Okay. Très bien, bon, on va pouvoir s'écouter le... Alors, on va s'écouter le morceau de la fanfare. Quant à la vidéo de Timo, c'est-à-dire le clip de ce morceau, vous pourrez le voir sur YouTube en tapant clip Le Mystère des éléphants ou sur le Facebook de Tortoli Arbatax. On va mettre tous les liens. Voilà, c'est plus simple. Et donc, c'est un film d'animation à la base. Ouais. Ouais. Donc là, c'est... une interprétation du mystère des éléphants et ouais. C'est un morceau de de Mulatu Astatke. Ouais. Voilà, qui est un éthiopien. Ouais. Ils sont très attentifs. Voilà. Ouais. J'adore ce que vous faites. On va se l'écouter direct. Très bien, très bien. Merci. C'est parti. Ah, ça vaut la coupe là. Tartoli et Arbatax. C'est Radio Panique. C'est 105.4. C'est formidable. De retour dans cette émission sans clou ni vis. Alors on vient de s'écouter, Timo, si tu peux nous rappeler l'interprète, compositeur de ce morceau. L'interprète, c'est le Mystère des éléphants, avec un morceau, je ne l'ai peut-être pas dit, qui s'appelle Lié Kermoseu, c'est l'éthiopien, donc c'est... J'ai rien compris. Tu l'avais peut-être dit, mais on avait sûrement pas relevé. Voilà, c'est ça, on ne retient pas, mais bon, le mieux c'est d'aller voir en lien sur le Facebook ou la page de Tortoli Arbatax, je pense qu'il y aura tout, puisque vous êtes très efficace pour ça. C'est vrai. Voilà, quelque part. Communication, sorte d'efficacité quand même. Donc sur YouTube, si on le cherche, on tape vous tapez clip du Mystère des éléphants, vous allez tomber dessus. Ok. Voilà. Très très bien. Et cette fanfare est issue du Lot. Voilà. Lot, Midi Pyrénées. Et d'ailleurs, beaucoup de Bruxellois, parce qu'on fait, comme on s'est senti obligé de préciser, mais les Bruxellois ont pu découvrir le Lot ce week-end, bien sûr, puisque il y avait Sablon sur Lot, exactement dimanche et peut-être même tout le week-end, j'imagine. Sablon sur Lot, hein, c'est là d'ailleurs qu'on vous a trouvé un dimanche après-midi. C'est ça. J'étais en train de faire la vielle à roue déguisée en troubadour. Oui, c'est ça. Tous les trois, on était en troubadour. Très bien. Donc c'est Loic en ménestrel, exactement. Loic en ménestrel. Ouais, et puis après, j'ai dû changer pour la Tom Fraise. Tom Fraise. Oui, je me suis déguisé en Tom Fraise. Tom Fraise. Et Tom Fraise. Ok. Et donc le Sablon sur Lot, c'est une vallée du Lot qui est recréée. Vous pouvez nous en dire un peu plus, vous qui avez été figurant. Ouais, en fait, ils mettent des photos géantes de la vallée du Lot. Et il y a des stands où on peut boire du vin du coin, on peut manger du fromage du coin, de l'aligot à 14 euros. Voilà, pardon. Oula. Oui. ce genre de choses, oui, c'est ça. L'aligot qui n'a rien à voir avec le Lot, soit dit en passant. Voilà. Voilà. C'est peut-être pour ça qu'il est à 14 euros. Ah oui. Wow. Oui, effectivement. Ça balance. Il y a des plaintes. En tout cas, ça représente pas mal dans le Lot, quoi. Je vois qu'il y a quand même pas mal de... Mal de choses à faire. D'ailleurs, de... moi j'étais là pour représenter le stand du parti Pierre Sèche et Tradition. Le fameux. D'accord. Voilà. Qui est mené par son illustre meneur, qui se nomme C'est Yves Lacan. Voilà. Yves Lacan, d'accord. Et qui récolte à chaque élection quand même une bonne majorité des suffrages. Ouais, voilà, il fait de la pierre sèche en masse. Voilà, il des est murs en pierre sèche. Le torse nu sous le soleil à construire des murs en pierre sèche. Voilà. C'est une vie. Voilà. Pas facile de décrire le Lot à la radio, mais bon. Non, on peut peut-être parler de quelques produits régionaux comme les Rocamamadour. Donc des Rocamamadour. Voilà, c'est des petits fromages ronds noirs. la recette vient d'Afrique, mais c'est produit dans le Lot. Mamadour. Voilà, oui. Mamadour. Non, Rocamamadour. Rocamamadour, d'accord. Ça serait un Lotois qui serait allé en Afrique et revenu avec cette recette. Avec cette belle recette. Voilà. Appliquée au Lot. Bah oui, c'est ça. C'est fabriqué là-bas et exporté partout dans le monde. Mamadour Dialot. Dialo. Dialot. Ouais. Mamadour. Ok, d'accord. Très bien. Voilà. Très bien. Très bien, bah les gars, merci. Ça donne envie d'aller dans le Lot, en tout cas. Pour revenir sur ce clip là, du coup, qu'on a regardé en attendant, qu'est-ce que tu peux nous dire, comment tu as un petit peu eu ce concept et puis comment tu l'as réalisé? Eh bien, ensuite c'est une animation donc en papier découpé, ouais, uniquement, fait par mes petites mains sur une table lumineuse et animée. Ça dure 5 minutes 30, un truc comme ça, donc il y a beaucoup d'images. Beaucoup de petits découpages, ça m'a fait mal aux doigts. Ouais. Voilà. Tu as après pris des ciseaux à bourron? Non, t'as pas... Bah si. Oui. Toujours des ciseaux même en plastique qui coupent pas directement le doigt, mais coupent le papier. Voilà. Ça peut être une idée d'ailleurs de film de bricolage. Ah. Le ciseau... On revient sur... On serait sur une petite astuce. Ouais. Hein, la deuxième reine de la transition, Timo. C'est à toi. Très bien, non, donc tu voulais juste un peu nous aiguiller les clous sur ce festival du film de construction. Oui, parce que c'est important, c'est un peu notre projet phare pour l'année 2011. Voilà, c'est notre festival de faux films de bricolage. Voilà. Et donc nous réinvitons tout le monde à refaire quelques vidéos de faux films de bricolage. Voilà. À savoir que celui qui a été réalisé, que vous pourrez retrouver sur le lien du Facebook de Tortelier à Braxas. Braxas. A été fait. Il vient du Lot. Il vient du Lot, ouais. Torticoli et Roi Raccord Six. Ouais, je viens du Lot, j'ai pas beaucoup de culture. Tortilla et à Braxmas. C'est drôle de rigoler sur les prénoms, c'est très drôle. Oui, c'est très très drôle. Et du coup, a été réalisé pour, à l'occasion de la fête du bois, qui est une fête à côté de Pau, voilà, dans le Béarn, encore plus dans le sud, à côté des Pyrénées. La fête voilà. du bois. La fête du bois, donc ouais. c'est pour ça que c'est une vidéo fête du bois outillage, comme vous pourrez le voir à la fin de ce clip. Comment s'écrit fête F-E-T-E, avec un petit accent circonflexe sur le premier pas E. Pas le verbe. Non. Non. Okay. Non, non, parce qu'on n'aime pas les jeux de mots pourris. Et vous l'avez fait en combien de temps cette vidéo? Ça prend longtemps, c'est... Ça prend c'est du absolument bon, c'est du pas bon longtemps, boulot, quoi. On a l'impression. On parle bien de cette vidéo. C'est qu'une impression. Hein. Idée plus montage, construction, musique. La musique est originale d'ailleurs, c'est celle qu'on entend là dans le fond voilà. pendant toutes les missions. L'émission L'émission. Il vient du Lot aussi. Donc voilà, une musique faite par Shape 2 qui fait aussi la voix. Ah oui, la voix, oui. La voix très importante, ouais, ouais. c'est quand même... La voix du téléachat un petit voilà. peu, linolé. Non, la voix du monsieur bricolage, je dirais plus. Du monsieur bricolage, voilà. exact. Et je sais plus ce que je disais. Et eh ben, oui, donc et ça a été voilà. fait en moins de 24 heures à peu près. Ouais, voilà. 24 heures, voilà. Même pas, mais sans faire 23. Que ça non plus. Voilà. C'est pas un gros boulot, donc c'est pour ça. Tout le monde, envoyez vos vidéos à tortolierbatax.com. Ça, c'est pas mal. C'est pas mal. Bah oui, non, mais vraiment. Vous vraiment. N'êtes pas payé pour cette émission. Vous pouvez parler librement. À partir de deux fausses vidéos de bricolage, on fait une compétition. Donc il nous en manque plus qu'une. Voilà, ouais. Voilà. Le festival, il voilà. faut 2-3, voilà. ouais, pas plus. On lance le festival à la prochaine vidéo qu'on reçoit. C'est bon, le festival est sur les rails. Vivement qu'on en reparle. On va en reparler juste derrière le titre de Balkan Beatbox Move It. Que nos trois invités ont choisi, n'est-ce pas? Mm-hmm. Oui, oui, tout à fait. Uh-huh. Uh-huh. Voilà, c'est parti, on se reparle juste derrière. Ciao! Side of it, but I can't ignore it. Don't be the ignorant who turns his back on it. And now we win the race. And now you show your face. If you can find your place, then we can show you how to send it to outer space. So you can skip the barrier and move it to your area. So we can bust your radio and speak out to the speakers and scream out to the sleepers. They freak out when they hear us, cause we make beats like gorillas. In this giant country jungle, the digital monkey's on a move. Talking straight, we never mumble. Making sure your dancing feet will move. les deux gros Batax, les deux grosses mythes de Radio Pan. De retour, Tortoli et Herbatax sur le 105.4 Radio Panique ou sur internet www.radiopanique.org. Mon petit Herbatax qui mange son petit croissant. Salut. Et nos trois invités, voilà, on approche de la fin de cette émission. C'était une émission très parlée, très grosse tête, très talk show. Excusez-moi, j'ai un peu de vocabulaire. Et voilà, c'était nos trois invités, Scotty, Timo et Loac. Et ils sont venus nous parler de leur fête du slip. Bravo, Herbatax, ouais, merci. leur fête. Fais-le toi-même à Lille. Et du prochain grand concours. Festival, pardon. Film de construction. Et ouais. Surtout, c'est parmi ces trois jeunes hommes, il y en a quelques-uns qui ont collaboré au buzz du moment, le grand buzz de la H+ Multifix Cut. Voilà. Ce que j'avais bien mémorisé. Et on va se quitter comme à chaque émission sur un classique. Après avoir commencé par un générique de merde et de la bonne musique. Un petit classique. Et là, c'est nos invités, nos trois chers invités qui nous l'ont choisi. Vous pouvez dire un petit mot? C'est Loac qui a... Merci. Beaucoup trop parlé. Oui, merci beaucoup. Tu veux nous parler un petit peu de Nino Ferrer? Bah, c'est un petit peu notre auteur phare, Nino Ferrer. On aime tous beaucoup ce qu'il fait, voilà. Et ce morceau qu'on vous a choisi plus particulièrement, il nous a suivis dans beaucoup beaucoup de moments. Voilà. Ce morceau s'appelle. Il s'appelle Les Cornichons. Et pas les. Les cornichons. Pas les cornichons. Pourquoi on regarde des cornes ça? Pour rien. On est plus timide à l'antenne qu'hors antenne. Non, c'est très bien. Alors, on se termine donc avec ce classique comme d'habitude et puis on donne. On se termine. On donne rendez-vous à nos auditeurs la semaine prochaine, mercredi prochain. Et oui. Pour une émission en mousse, hein, toujours. Toujours, mais celle-ci sera certainement moins bien préparée que la présente. C'est-à-dire qu'elle ne sera pas préparée dans le métro, elle sera préparée dans les escaliers pour venir ici, c'est ça? Voilà. Tu es en train de lâcher le secret de préparation là. Ok, très bien. Ça balance. Déjà ça des sera infos. La dernière fois que tu seras invité, toi. Merci à vous d'être venus. Et puis voilà, les auditeurs, on a changé de créneau comme vous le savez. Vous le savez, c'est mercredi 18h, 19h. Tortoli, Herbatax. Mais sur Radio Panique 105.4, mais l'émission est podcastable, puisque j'ai pas le mot en français. Si. Balado-diffusion. Balado-diffusion. Je crois donc, que c'est ça. Donc elle est balado diffusable. Diffusable. Enfin, en tout cas, vous pouvez la choper. Elle est chopable sur internet. On met le lien chaque semaine donc sur le site radiopanique.org et aussi sur le Facebook Tortoli et Herbatax. Il y aura également tous les liens des chansons dont on a parlé, des fêtes, des festivals, j'en passe, et des meilleurs. Voilà. Allez, messieurs, on se quitte sur Nino Ferrer. Merci les gars. Eh bien, ciao. Merci à bonne vous. Soirée. Thanks a lot. De la moutarde, du pain du beurre, de petits oignons, des confitures et des œufs durs, des cornichons, du cornet de bif et des biscottes, des macarons, un tire-bouchon, des petits beurres et de la bière, des cornichons. On n'avait rien oublié, c'est maman qui a tout fait, elle avait travaillé pour nous sans s'arrêter, pour préparer. Le poulet froid, la mayonnaise, le chocolat, les champignons, les ouvres boîtes et les tomates, les cornichons. Les confitures et les cornichons, la moutarde et le beurre, la mayonnaise et les cornichons, le poulet, les biscottes, les œufs durs et puis les cornichons.